Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, décolonisation, deuxième volet. Des premières velléités d'indépendance nées au cœur des années 30 jusqu'à la libération de la plupart des pays africains à l'orée des années 60, le vent de l'histoire se met à tourner. De la Côte d'Ivoire au Vietnam, d'Algérie jusqu'à Madagascar, il n'aura fallu qu'une vingtaine d'années pour que l'empire colonial français s'effondre. Partout, des leaders indépendantistes font entendre leur voix. Partout, les peuples font valoir leur droit à l'autonomie. Et pendant toutes ces années, ces phénomènes d'émancipation sont interconnectés. C'est ainsi que d'Abidjan à Hanoï, de Casablanca à Fort-de-France, la révolte se répand un peu partout, fissurant un empire qui ressemble de plus en plus à un colosse au pied d'argile. Au cœur de la tourmente, Charles de Gaulle, qui se retrouve dans l'œil du cyclone face à la volonté d'indépendance de ces dizaines de colonies qui constituent l'Empire français. De la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à sa mort, en passant par son accession à la présidence de la République en 1958, le général assiste souvent impuissant à la fin du modèle colonial français. Notre invité aujourd'hui, Nicolas Bancel, historien, professeur à l'Université de Lausanne, spécialiste du fait colonial. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, un récit documentaire de Vincent Lebrun, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyenne Guyen. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. 1944. La Seconde Guerre mondiale est sur le point de se terminer. Pour les milliers de combattants, le retour au foyer s'organise. Parmi eux, tous les soldats des pays colonisés qui se sont illustrés au sein de l'armée française. Ils sont nombreux. Ils forment des bataillons entiers de tirailleurs marocains, algériens, sénégalais qui rêvent de rejoindre leur terre natale et de toucher la prime qu'on leur a promise pour services rendus à la nation. Le 1er décembre 1944, à Dakar, plus d'un millier de soldats intégrés dans les tirailleurs sénégalais sont rapatriés. Ils viennent du Sénégal donc, mais pas seulement. D'autres sont originaires de Côte d'Ivoire, du Niger, du Tchad ou du Togo. Et ils n'ont qu'une idée en tête, récupérer leur dû. Ils sont regroupés dans le camp de Tiaroaï, à une quinzaine de kilomètres de Dakar. Et là, en guise de pécule annoncée, des troupes coloniales et des gendarmes français placés en embuscade tout autour du camp leur tirent dessus. Les tirailleurs ne faisaient pas de menaces, n'étaient pas incorrects. Ils étaient fermes, décidés, mais patriotes. Nous ne sommes pas des mercenaires. Nous avons demandé tout simplement ce que nos camarades français ont reçu. Alors, le général nous dit, faites pas de bruit, restez calme, nous allons nous occuper de la situation. Dans 2 ou 3 jours, la question sera réglée. Nous lui avons fait confiance, nous sommes restés. 2 jours après, eh bien, nous avons vu les soldats encercler le camp de Karoy. Et ce qui s'est fait, c'est fait. En 1960, le leader politique sénégalais Seydou Sissoko dénonçait ces événements tragiques dans le journal La Lutte. Depuis ces temps de la conquête, l'armée coloniale française, force répressive permanente, enrôla et conduisit à la mort dans ces guerres impérialistes des générations de nos richesses humaines. Notre pays a souffert et souffre encore des horreurs de ces guerres. Il n'y a pas longtemps encore, l'armée coloniale française portait contre nos populations des actes de brutalité de triste mémoire. En 1945, à Tiaroy, au Sénégal, elle exterminait tout un contingent de soldats africains rapatriés de guerre qui regagnaient leur foyer après avoir des années durant risqué leur vie sur des champs de bataille européens. À Tiaroy, les tombes blanches de ces victimes rappellent en les désignant tous les crimes odieux commis par le colonisateur. 70 tirailleurs meurent sous les balles, les autres sont arrêtés. Ce jour-là, des Français ont tiré sur d'autres Français. Cette page tragique de l'histoire de la colonisation a longtemps été passée sous silence. Elle illustre pourtant, avec éloquence, la manière dont la France a longtemps traité les habitants de ses nombreuses colonies et tout particulièrement en Afrique subsaharienne. C'est dans les années d'avant-guerre que l'empire colonial français, pourtant fort de la quarantaine de territoires sur lesquels il exerce sa domination, qui commence à vaciller. Les inégalités, les injustices qui sévissent dans les pays colonisés allument des foyers de révolte un peu partout. Des leaders comme Aimé Césaire en Martinique ou Léopold Sédar Senghor au Sénégal se font les porte-voix des désirs d'émancipation de leur peuple. D'autres figures charismatiques émergent un peu partout, et notamment dans les pays d'Afrique du Nord. Au Vietnam, en particulier, le jeune Ho Chi Minh s'affirme comme l'emblème du combat de libération nationale. En Asie, d'où ces mots qu'il écrit dans l'Humanité du 1er juin 1992. Pour masquer la laideur de son régime d'exploitation, le capitalisme colonial décore toujours son blason pourri avec la devise idéaliste « fraternité, égalité, etc. ». Voici comment ce champion de l'égalité entend la mettre en pratique. Dans le même atelier et pour le même travail, l'ouvrier blanc est plusieurs fois mieux payé que son frère de couleur. Dans les administrations, les indigènes touchent un salaire de famine, tandis qu'un blanc nouvellement pistonné reçoit ses appointements supérieurs en faisant moins de travail. Au même grade, le gradé blanc est presque toujours considéré comme supérieur au gradé indigène. Celui-ci doit le salut et l'obéissance à celui-là. En pleine Seconde Guerre mondiale, la France tente de démontrer qu'elle est prête à lâcher du lest. Au Proche-Orient, elle promet l'indépendance à la Syrie et au Liban, à la condition que ses soldats viennent se battre à ses côtés. Mais à l'issue de la guerre, les velléités d'indépendance se répandent comme une traînée de poudre. Alors que la défaite du Troisième Reich se profile, le général de Gaulle sillonne l'Empire. Le 30 janvier 1944, il ouvre la conférence de Brazzaville au Congo devant une assemblée de fonctionnaires coloniaux. Et voici Brazzaville. Brazzaville qui arrêta la capitulation au nord de l'Équateur. Brazzaville, refuge pendant ces cruelles années de l'indépendance et de l'honneur français. Déjà, au moment où commençait la présente guerre mondiale, apparaissait la nécessité de placer sur des bases nouvelles les conditions de la mise en valeur de nos territoires africains, celles du progrès des hommes qui y vivent et celles aussi de l'exercice de la souveraineté française. Est-il besoin de dire que la guerre présente n'a fait que précipiter l'évolution ? De Gaulle entend démontrer qu'il a l'intention de refonder l'Empire sur de nouveaux principes. Mais hors de question de parler d'indépendance. Un peu partout en Afrique, la déception est grande. La guerre s'achève, enfin. Et à Tunis, Abidjan, Conakry, Alger, la population célèbre la fin des combats. Mais en secret, elle réclame que lui soit payé le prix du sang que ses hommes ont versé pour la France. Et c'est en Algérie que le torchon va brûler pour la première fois. Dans la ville de Sétif, le 8 mai 1945, date qui marque la capitulation allemande, des manifestations indépendantistes éclatent. Les insurgés s'attaquent aux colons et les massacrent en pleine rue. La riposte est impitoyable. Dans les régions de Sétif, Guelma et Karata, les tueries se multiplient. Entre 7000 et 15000 Algériens périssent. Un an après ces événements, les actualités d'époque font comme si rien ne s'était passé. Dans Sétif, rendu au calme, au travail, à la paix française, dans Sétif où se sont effacées les traces des regrettables incidents de l'an dernier, le gouverneur général Yves Châtaignaud est venu montrer que rien ne subsiste dans l'esprit français de ce qui fut l'erreur d'une journée. Sétif, depuis, a vu grandir l'œuvre française. C'est ce qu'a constaté le gouverneur en visitant l'école professionnelle où les jeunes musulmans s'appliquent à la connaissance des techniques modernes. Alors que l'Algérie est reprise en main sous le joug de la terreur, la Syrie et le Liban s'embrasent à leur tour. La France avait promis l'indépendance, oui, mais elle compte y parvenir sous sa tutelle, le maintien de sa tutelle. Après un bombardement meurtrier à Damas, elle finit par se retirer du Proche-Orient, finalement, sous la pression des Britanniques. La Syrie et le Liban accèdent ainsi à l'indépendance pleine et entière. Les premières pierres de l'Empire s'effondrent. Et Paris doit s'y résoudre. D'autant qu'à des milliers de kilomètres de là, en Indochine, le dirigeant vietnamien Ho Chi Minh, dès le 2 septembre 1945, réclame pour son peuple le droit d'être libre et indépendant. Le Cambodge et le Laos lui emboîtent le pas. C'est le début d'une longue guerre qui durera 8 ans. En France, la population se passionne modérément pour ce qui a lieu en Indochine, trop occupée à panser les blessures de la guerre. Et puis c'est loin, l'Indochine. En mars 46, alors qu'une trentaine de députés originaires des pays colonisés siègent sur les bancs du Palais Bourbon, le Martiniquais Aimé Césaire propose une loi pour que la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion deviennent des départements français. Dans ces territoires où la misère règne depuis longtemps, cette formule promet l'espoir d'une vie meilleure. D'autres élus des colonies vont eux aussi arracher des réformes, dont le député ivoirien Félix Mpouaïd-Boigny, qui fait voter l'abolition du travail forcé le 11 avril 1946. Il était temps, et voici comment Albert Londres raconter la fin de la construction du chemin de fer Congo-Océan, qui entre 1921 et 1934 provoqua la mort de 2000 Africains. J'ai vu construire des chemins de fer. On rencontrait du matériel sur les chantiers. Ici, que du nègre. Le nègre remplaçait la machine, le camion, la grue. Épuisé, maltraité par les capitas, loin de toute surveillance européenne, blessé, amaigri, désolé, les nègres mouraient en masse. C'était la grande fonte des nègres. Les 8000 hommes ne furent bientôt plus que 5000, puis 4000, puis 2000, puis 1700. Il fallut remplacer les morts, recruter des rechefs. Il faut accepter le sacrifice de 6 à 8000 hommes, disait Monsieur Antonetti, ou renoncer au chemin de fer. Le sacrifice fut considérable. À ce jour, cependant, il ne dépasse pas 17000. Et il ne nous reste plus que 300 km de voies ferrées à construire. En 1947, les grands travaux menés par la France en Afrique bénéficient aux informations d'un traitement autrement triomphal. De l'Oubangui jusqu'au désert libique, la grande route stratégique Bangui-Larjo voit passer en 1942 et 1943 des milliers de véhicules pour approvisionner la colonne Leclerc au fameux exploit. Voie vers la civilisation, la route est le souci constant de l'administrateur et du colon. Elle est aussi le lieu des peines et des joies de l'indigène. Des cours d'eau la coupent, terreur de l'automobiliste. Mais des ponts élégants et robustes viennent remplacer les bacs archaïques que l'on attendait parfois des heures. Le service des travaux publics, en étroite liaison avec les services économiques et militaires intéressés, a construit en 3 ans des kilomètres d'ouvrages d'art en béton, en fer ou en bois. Preuve que les réformes ouvrent la voie à une ère nouvelle, en octobre 1946, l'Empire change de nom. On parle maintenant d'Union française. Désormais, la France et ses possessions d'outre-mer forment un ensemble basé sur l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion. C'est en tout cas ce que s'est vertu à montrer les films de propagande. Mais l'égalité entre noir et blanc n'est qu'apparente. Au sein de l'Union, Paris décide de tout. Dans les colonies, le gouvernement mobilise des budgets faramineux pour construire des ponts, des barrages, des usines, des hôpitaux, des écoles, histoire d'accréditer l'idée qu'elle y poursuit sa mission de progrès et civilisatrice. Mais les investissements se portent avant tout sur les infrastructures qui permettent de transporter des matières premières vers la métropole. À l'époque, seuls 8% des enfants de ces territoires sont scolarisés. Et plutôt que de les initier à l'histoire de leur pays, ils sont soumis à un apprentissage très orienté. C'est l'histoire de France qu'on leur enseigne en premier lieu. En Côte d'Ivoire, par exemple, il est interdit aux élèves de parler une autre langue que le français. Et, s'ils sont surpris à s'exprimer dans leur dialecte, ils sont automatiquement punis. Dans les écoles des colonies, on apprend à avoir honte de soi, de sa culture, de sa civilisation. Chaque année, une centaine de classes nouvelles sont ouvertes aux enfants indigènes. Leur intelligence est d'une vivacité généralement supérieure à celle des enfants européens jusqu'à l'âge de la puberté. On s'attache à faire connaître et aimer la France. On donne à ces bambins un enseignement pratique, simple et surtout une formation morale de qualité. Et sous d'autres latitudes, la violence va se déchaîner. En 1947, le gouvernement se lance dans l'une des plus impitoyables répressions de ces années d'après-guerre. À Madagascar, la population va dénoncer la brutalité des autorités coloniales. Plus tard, en 1950, les faits seront relatés très différemment aux informations et toujours de façon très univoque. Le 29 mars 1947, à minuit, une rébellion éclate à Madagascar. Ce que tous, fonctionnaires et colons, considéraient comme impossible se produit. À Diego Suarez, à Mouramang, sur la côte de l'Est, des malgaches se rassemblent, armés de piques et de sagaies, et assassinent des Français. Après la reprise des hostilités en Indochine, Madagascar, l'île heureuse, devient l'île rouge. La presse métropolitaine est à nouveau divisée sur les événements sanglants. Pour les uns, c'est la conséquence de la nouvelle politique coloniale de la France. Pour les autres, c'est le résultat normal de l'oppression du colonialisme. Le mouvement démocratique de la rénovation malgache revendique davantage de liberté. Les travailleurs ne gagnent pas d'argent, pire, le fruit de leur récolte est destiné prioritairement à être vendu aux Français. Alors, des émeutes de la faim éclatent. Le 30 mars 1947, des groupes nationalistes provoquent une insurrection. Ils attaquent les maisons des colons et des fonctionnaires français. Comme ce fut le cas pendant la Seconde Guerre mondiale, des soldats des territoires colonisés sont réquisitionnés. Ainsi, Comoriens, Sénégalais, Marocains débarquent à Madagascar pour mater la révolte. Dans les faits, cela signifie que les colonisés viennent réprimer d'autres colonisés. Des dizaines de milliers d'indigènes sont ainsi tués. La répression sera exemplaire, obligeant les insurgés à baisser les armes. Quelque temps seulement après la fin de la répression malgache, le 10 décembre 1948, la France accueille une réunion de l'ONU. Au Palais de Chaillot, les 58 États membres votent la fameuse Déclaration universelle des droits de l'homme. À la veille des années 50, au prix d'une succession de répressions meurtrières, la France a réussi à maintenir sa tutelle sur l'Empire. Seule l'Indochine continue de s'embraser. Tandis que la couronne britannique a quitté l'Inde, Ceylan et la Birmanie, et que les Pays-Bas se sont retirés de l'Indonésie, la France, elle, ne cède pas. Indépendance, tcha tcha, aux oubliés. Au Kipwanza, tcha tcha, tout va qui dit. Au Cameroun, tcha tcha, va gagner. Au Nipanda, tcha tcha, aux oubliés. Indépendance, tcha tcha, aux oubliés. Au Kipwanza, tcha tcha, tout va qui dit. Au Cameroun, tcha tcha, va gagner. Des années 50, en Afrique subsaharienne, plusieurs partis ont réuni leurs forces au sein du Rassemblement démocratique africain, le RDA, un mouvement proche des communistes. L'un de ses principaux animateurs, le député ivoirien Félix Houphouët-Boigny, veut abolir la domination coloniale. Paris décide de briser les rebelles. Par ailleurs, un peu trop proche de Moscou, de son point de vue. En Côte d'Ivoire, l'armée riposte brutalement. Le 27 janvier 1950, Félix Houphouët-Boigny échappe de peu à l'incarcération. Le lendemain, le sénateur Victor Biakabonda est retrouvé décapité en pleine bourse. Des milliers de sympathisants sont arrêtés, des centaines de villages sont détruits. Tandis qu'en France, les militants communistes réclament la libération des prisonniers politiques ivoiriens, la métropole, soucieuse de faire valoir sa domination, propose un marché à Houphouët-Boigny. En échange de l'abandon des charges qui pèsent contre lui et son parti, on le somme de rompre avec les communistes français. Peu de temps après, le nouveau port d'Abidjan est inauguré par quelques-unes des figures politiques françaises les plus renommées. Pour inaugurer le nouveau port d'Abidjan en Côte d'Ivoire, M. Fourcade, président de l'Assemblée de l'Union française, M. Mitterrand, ministre de la France d'Outre-mer, et M. Béchard, gouverneur de l'AOF, s'étaient spécialement déplacés. Le port d'Abidjan va permettre en effet de donner à la Côte d'Ivoire un nouveau développement. La Côte d'Ivoire a cédé aux sirènes de Paris. Houphouët-Boigny deviendra même ministre dans le gouvernement français. Maintenant que la révolte a été étouffée à Madagascar et en Côte d'Ivoire, c'est aux Antilles que les tensions se multiplient. Le statut de département n'a pas donné les effets escomptés. Les béquets, ces blancs minoritaires, descendants des grandes familles de colons européens, règnent toujours en maître. La population noire, sous-payée, est maintenue dans un état de grande pauvreté. Les béquets suscitent une contestation grandissante et des conflits sociaux éclatent. Ils sont réprimés sévèrement. Dans son discours sur le colonialisme, publié en 1950, Aimé Césaire, maire de Fort-de-France, s'indigne. On peut tuer en Indochine, dit-il, torturer à Madagascar, emprisonner en Afrique, sévir aux Antilles. En Indochine, la guerre s'enlise. La France fait de nouveau appel à des renforts venus d'Afrique, marocains, sénégalais, algériens. Si dès 1951, elle inflige de cinglantes défaites au Viet Minh en aspergeant la jungle de napalm, elle perd aussi du terrain sur plusieurs fronts, contre les techniques de guérilla mises au point par les combattants d'Ho Chi Minh. En Indochine, la semaine de Noël a été marquée par une recrudescence de l'activité militaire dans la jungle de la rivière Noire. Les troupes franco-vietnamiennes ont pu neutraliser partout les pénétrations de l'ennemi, soutenues par l'intervention incessante de la chasse et le largage massif de bombes au napalm. Elles ont ainsi conservé l'avantage stratégique que leur avait donné la récente occupation des têtes de pont de Hoa Binh et de Touvou. En métropole, la contestation, incarnée avant tout par les communistes, prend de l'ampleur contre ce qu'ils ont considéré comme une sale guerre impérialiste. Et voilà que les difficultés de la France en Indochine trouvent un écho au Maghreb. En Tunisie, au Maroc et en Algérie, les peuples commencent à revendiquer leur liberté, tandis que les colons font semblant de ne pas voir. Partout, les attentats anti-français se multiplient. Paris place Habib Bourguiba, le leader tunisien, et Mohamed V, le souverain marocain, en résidence surveillée. À l'ONU, la France est mise au banc des accusés. Devant l'Assemblée, réunie en séance plénière, M. Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères, chef de la délégation française, vient de prononcer un discours dans lequel il a fait un exposé complet des questions de Tunisie et du Maroc, inscrites à l'ordre du jour des Nations Unies à la demande des pays arabes et asiatiques, malgré les réserves de la délégation française. M. Schuman a rappelé la ferme résolution de la France de s'opposer à toute ingérence de l'organisation internationale dans des questions qui ne regardent que la France et la Tunisie, que la France et le Maroc. Pendant ce temps, en Indochine, a lieu ce qui va sceller le destin de la France sur le terrain. La cuisante débâcle de Dien Bien Phu, début 54. Le désastre côté français se solde par plus de 3000 morts et 5000 blessés. 11 000 combattants sont emprisonnés, la France vient de subir une défaite humiliante. Un cessez-le-feu est négocié, à l'issue duquel le Vietnam sera divisé en deux États. Quant au Laos et au Cambodge, ils voient leur souveraineté reconnue. Dans le sillage de la défaite indochinoise, la France perd ses comptoirs en Inde. Et elle n'a pas fini de voir cette domination remise en cause. C'est d'Algérie que vont venir les prochains coups. Fin 1954, a lieu ce qu'on appellera la Toussaint Rouge. Le FLN, le Front des Libérations Nationales, déclenche une vague d'attentats anti-français sur le sol algérien. C'est la guerre sans nom. Pendant la nuit du 31 octobre au 1er novembre, on a tué, incendié, provoqué l'émeute et le désordre. Et pourquoi ? Pourquoi donc furent-ils abattus, ce jeune instituteur et sa femme, qui devaient le lendemain commencer leur belle et difficile mission au cœur même de l'Aurès ? Crimes odieux contre d'innocentes victimes, crimes absurdes, et qui seront châtiés car celui qui emploie de tels moyens doit savoir qu'il sera frappé à son tour. En s'attaquant à nos compatriotes algériens, les meurtriers et les émeutiers ont dressé contre eux la force française. Appuyée sur la volonté de concorde et de progrès de l'immense majorité du peuple, elle interdira aux agitateurs, le plus souvent recrutés à l'étranger, la poursuite d'une œuvre de destruction. L'Algérie, c'est la France. Et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autres autorités que la sienne. Cette voix est celle de François Mitterrand, ministre de l'Intérieur à l'époque, qui réagit fermement le 7 novembre 1954. Tandis que l'Algérie est à feu et à sang, la France lâche du lest en Tunisie, au Maroc, où elle laisse revenir aux affaires ceux qu'elle avait placés en liberté surveillée, Habib Bourguiba et Mohamed V. Ainsi, les deux pays accèdent-ils à leur tour à l'indépendance en mars 1956. Pour ce qui concerne l'Algérie, il faudra attendre le retour du général de Gaulle au pouvoir en 1958 pour que le pays puisse espérer acquérir son autonomie. Au prix des nombreuses volte-face de l'homme du 18 juin qui accède à la présidence de la République en France fin 58, l'Algérie va effectivement et progressivement gagner sa liberté au terme d'une guerre qui durera presque 8 ans. En Afrique du Nord, la France a dû abandonner le Maroc et la Tunisie, donc, pour tenter de sauver l'Algérie. Mais en Afrique subsaharienne, elle n'est pas prête à céder. Et Paris s'inquiète. L'Afrique ne doit pas basculer ni dans le communisme, ni s'enferrer dans des guerres d'indépendance. En juin 1956, le nouveau ministre des Outre-mer, Gaston Defferre, fait voter une loi qui institue notamment le suffrage universel direct. Il s'en explique devant des étudiants à la télé française. Eh bien, il y a une dizaine de mois, quand ce gouvernement a été formé, il y avait un incontestable malaise dans les territoires d'outre-mer. Les Africains avaient la sensation que toutes les promesses que la France leur avait faites n'avaient pas été tenues. Les Français étaient inquiets après la guerre d'Indochine et notre départ d'Indochine, après les difficultés que nous connaissons en Algérie, après que l'indépendance ait été accordée à la Tunisie et au Maroc, les Français avaient l'impression que le gouvernement avait l'intention d'abandonner ces territoires. Et c'est pour répondre à ce malaise que la loi cadre a été présentée au Parlement et qu'elle a été votée d'ailleurs à une très forte majorité. Officiellement, la voix de chaque citoyen compte, quelle que soit sa couleur de peau. Mais les élections restent sous contrôle. Le principal objectif de la France est transparent. Il s'agit de neutraliser l'influence des mouvements indépendantistes. Quant à la méthode, elle consiste à placer partout des responsables politiques loyaux à l'égard de la métropole. Ainsi, au Cameroun, les autorités coloniales choisissent Amadou Ahidjo, un ancien postier de 33 ans. Son opposant principal est Ruben Niob, leader de l'UPC, l'Union des Populations du Cameroun. Niob réclame une véritable indépendance pour son pays. Il passe pour un incorruptible et devient l'homme à abattre. Avec l'appui des forces camerounaises, une impitoyable chasse à l'homme s'engage. D'éventuels complices sont torturés pour savoir où ils se cachent. Des villages sont anéantis à coups de napalm. Ceux qui échappent aux tueries massives sont poursuivis en pleine jungle par les forces de l'ordre. Après des mois de terreur, les maquisards de l'UPC sont anéantis. Repéré, Ruben Niob est abattu. Son corps est traîné sur des kilomètres afin de l'abîmer. Ses méthodes veulent montrer quel sort attend ceux qui auraient des velléités des rébellions. Et l'homme de paille de Paris peut prendre ainsi le pouvoir au Cameroun. Il sera le premier président de la République du pays et installera une dictature soutenue par la France. Dans les cours, à l'école, le Cameroun est donné comme exemple d'une décolonisation pacifique. M. Gaston Defferre, ministre de la France d'Outre-mer, est allé à Yaoundé, capitale du nouvel État du Cameroun, pour assister à la naissance de son premier gouvernement. On n'a pas oublié que tout récemment, le Cameroun s'est vu accorder par la France son statut total d'indépendant. C'est devant l'Assemblée législative camerounaise, à laquelle la France a remis tous ses pouvoirs de tutelle, que le ministre français a installé le premier ministère du jeune État. Ce ministère comprend 15 ministres ou secrétaires d'État, dont l'un est européen. Voici donc le Cameroun doté d'une citoyenneté, d'une assemblée et d'un gouvernement. Une page nouvelle dans l'histoire. Tandis qu'en Algérie, les attentats du FLN succèdent à la répression de plus en plus sévère de l'armée française, De Gaulle entame en Afrique une grande tournée. Il s'agit d'éviter la dispersion complète de ce qui reste de l'Afrique française. Il propose alors aux colonies de s'unir dans une communauté d'États indépendants, à la condition que la France y conserve sa suprématie. Chaque pays sera invité à s'exprimer par la voie d'un référendum. Madagascar, Côte d'Ivoire, à chaque étape, le général de Gaulle est accueilli triomphalement. Mais lorsqu'il parvient en Guinée, changement de décor. Le leader, Sékou Touré, le défie en pleine assemblée. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. De Gaulle est humilié, mais il n'est pas au bout de ses peines. À Dakar, au Sénégal, il est accueilli par des pancartes qui réclament l'indépendance, carrément. Alors il se fâche. S'ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent. Mais s'ils ne la prennent pas, qu'ils fassent ce que la France leur offre, la communauté franco-africaine. Malgré ces incidents, à l'automne 58, toute l'Afrique française sera liée à la communauté franco-africaine voulue par le général, au prix parfois d'élections truquées. Seule la Guinée vote massivement non. Le 2 novembre 1958, ce pays devient la première colonie française de l'Afrique subsaharienne à accéder à l'indépendance. Et progressivement, les autres pays d'Afrique réclament la même chose. Le rêve de communauté du général de Gaulle prend fin. L'année 60 sera l'année du changement. En moins de 10 mois, en effet, 15 États africains naissent. Parmi eux, le Sénégal, la Mauritanie, le Tchad, la Côte d'Ivoire, la Centrafrique, ou la Haute-Volta qui deviendra Burkina Faso et le Mali. Auditeurs de Radio Mali, en ce jour mémorable du jeudi 22 septembre 1960, est née la République du Mali. Une république indépendante, absolument et totalement indépendante de tous les liens politiques avec la France. Des hommes comme Félix Mpouet-Boigny en Côte d'Ivoire ou Léopold Sédar Senghor au Sénégal, anciens députés ou ministres français, président désormais aux destinées de leur pays. Et l'Afrique vit des heures de liesse. En Algérie, le général de Gaulle doit aussi se rendre à l'évidence et admettre que l'indépendance du pays est imminente. Les négociations s'accélèrent. Il prononce de discours en discours sur le droit de l'Algérie à devenir algérienne. Cette politique aboutira le 18 mars 1962 à la signature des accords d'Évian. L'un des derniers bastions de l'empire colonial français vient donc de tomber. Mais désormais, en Afrique subsaharienne, la domination française va s'exercer sous une autre forme. Pour éviter la propagation du communisme, l'OTAN charge la France de devenir le gendarme de l'Afrique. Et les anciennes colonies vont vivre sous le régime de ce que l'on nomme encore aujourd'hui la France-Afrique. Sous l'égide de Jacques Foccart, ancien des forces françaises libres et proche du général de Gaulle, il s'agit de soutenir les pouvoirs qui jouent le jeu de l'amitié franco-africaine et neutraliser les récalcitrants. Au Cameroun, au Togo, des leaders indépendantistes sont assassinés sans que les circonstances de leur mort ne soient élucidées. Ainsi, la France interviendra plus d'une vingtaine de fois dans les années 60 et 70 pour faire et défaire les dirigeants africains et assurer la stabilité de ses intérêts. De Gaulle disait... Entre l'Europe et l'Amérique, il n'y a que des poussières, et on ne construit pas des États sur des poussières. Et tandis que le temps de la répression sauvage semble révolu, dans plusieurs États toujours dépendants de la France, les armes parlent encore. En 1967, à Djibouti ou à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, on tire sur des indépendantistes ou sur des ouvriers qui réclament seulement une augmentation de salaire. Il y aura là encore des morts, et les cicatrices mettront longtemps à se refermer. 2 ans plus tard, le général quitte le pouvoir, ne laissant à la France que ce qu'il appelait des poussières d'empire. La politique américaine, Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tué. La politique France-Africa, c'est du blague et tué. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, deuxième volet de notre série sur la décolonisation, dont nous allons parler avec Nicolas Bancel, notre invité. Bonjour. Bonjour. Historien, professeur à l'Université de Lausanne, spécialiste du fait colonial, co-auteur du livre « Décolonisation française » paru en janvier dernier chez La Martinière et qui nous sert de support d'ailleurs depuis hier et jusqu'à demain pour retracer le fil de ce processus décolonisateur. Alors justement, à travers le récit, on a l'impression très forte, Nicolas Bancel, que c'est l'effet contagion qui est finalement le premier facteur de la décolonisation, en tout cas de sa réussite. Oui, tout à fait. Ben ça, c'est absolument évident. D'ailleurs, l'indépendance de l'Inde en 1947 a eu un rôle gigantesque en fait sur toutes les décolonisations des empires européens. On voit très bien que ça progresse très vite. D'abord en Asie, l'Angleterre est en avance aussi en Afrique équatoriale et en Afrique australe. Et progressivement, ben, ce vent d'indépendance qui souffle sur ces deux continents en particulier vont embraser en fait les mouvements qui vont se radicaliser petit à petit, pour aboutir finalement aux décolonisations. Et si on continue de filer la métaphore virale, les événements de Sétif en 1946 en ont constitué le premier cluster, si j'ose dire. Mais tout de même, c'est étonnant parce que ça tombe comme un jeu de domino, mais ça tombe pas de la même façon. C'est-à-dire que dans certains pays, ça se passe relativement pacifiquement et dans d'autres, non. Pourquoi ? Alors, tout simplement parce qu'il y a des développements politiques autonomistes ou indépendantistes qui sont très différents. Je crois que les événements de Sétif en 1945, ça signe deux choses. Ça signe d'une part une rupture définitive entre les deux communautés, d'un côté les colons européens, puis de l'autre les musulmans. Et le fait qu'il n'y ait pas eu de réforme en Algérie jusqu'en 1954, jusqu'au début de la guerre, ce statu quo a été fatal, je dirais, à toute possibilité de sortie pacifique du conflit, d'autant plus qu'il y avait évidemment 800 000 Français. Dans d'autres pays, si on pense par exemple à l'Afrique noire, le nationalisme ou l'autonomisme même politique est beaucoup moins développé. Au début des années 50, vous n'avez pas de parti politique véritablement indépendantiste en Afrique noire. Vous commencez à avoir des mouvements qui sont relativement marginaux, qui sont des mouvements d'abord d'étudiants, de jeunes élites qu'on trouve essentiellement en France, qui eux vont à partir de 1954-1955 entonnait le chant de l'indépendance, mais dans les partis politiques africains, le RDA dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est devenu légitimiste après 1950, les indépendants d'outre-mer de Sangor, par ailleurs, qui sont les deux grands partis fédéraux en AOF et en AEF, et les autres partis ne sont pas dans une disposition d'esprit jusqu'au milieu des années 50 où l'indépendance est envisagée comme une possibilité, comme une revendication, éventuellement à long terme, mais en tout cas pas dans l'immédiat. Donc il y a des différentiels d'évolution politique et de radicalisation qui sont tout à fait évidents entre d'un côté l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, et puis de l'autre l'Afrique noire. Alors l'Afrique, justement, on en parlait hier avec Pascal Blanchard, l'un de vos co-auteurs, pardon, oui. pour le livre. Évidemment, au Vietnam, les événements au Vietnam s'inscrivent dans la logique de la guerre froide. Mais en Afrique aussi, on avait peur, la grande peur, en France en particulier, en Occident en général, était que l'Afrique se convertisse au communisme. Est-ce que c'était des peurs fondées ? À mon avis, non. D'ailleurs, il y a un très grand, très bon spécialiste de cette question-là, qui est Alexander Kiss, qui travaille à l'Université de Genève, qui montre qu'il y a une espèce de panique anticommuniste, notamment par les services de renseignement, les services de police, qui tirent constamment la sonnette d'alarme. Mais en fait, le danger communiste en Afrique noire française, il est absolument mineur. Alors, on va se focaliser sur les deux grands événements qui font craindre, effectivement, qu'il y ait un basculement et un effet domino, une contagion. C'est premièrement la Côte d'Ivoire, avec la répression très dure de 1949-1950, et puis le retournement de Vest de Fouad Boigny, qui va devenir un des plus fidèles alliés de la France. Donc là, du côté de la Côte d'Ivoire, je dirais que c'est réglé. Et puis de l'autre, on a le Cameroun. Alors, le Cameroun, c'est évidemment beaucoup plus embêtant parce qu'il y a le parti de Ruben Niobe, qui est l'Union des populations du Cameroun, qui lui fédère une grande région qui s'appelle la Sanaga-Maritime au Cameroun et qui a le soutien de la population. Donc là, c'est une guerre qui va se déclencher en 1955 de manière implacable et qui va durer pour les Français jusqu'en 1967. C'est-à-dire on répond à chaque fois par la violence, mais dans les autres territoires, donc la plus grande partie des territoires, le danger communiste il est totalement surévalué. Ne va devenir un tout petit peu prégnant en 57-58 à partir du moment où des étudiants, soit qui ont été influencés par le mouvement communiste en France, parce qu'il y en a beaucoup, il y a à peu près environ 8 à 10 000 étudiants qui sont en France, qui reviennent, qui font de la propagande, etc. Et certains, une majorité, ont des liens avec le parti communiste. Et puis d'autre part, là où on voit l'influence de la guerre froide, c'est que le Moscou et les pays de l'Est invitent aussi des étudiants africains à venir étudier chez eux. Alors ils apprennent le droit, l'ingénierie, mais ils apprennent aussi le marxisme. Alors ça, c'est une des grandes peurs, évidemment, de l'administration. Est-ce que le cas du Sénégal est un cas particulier ? Je pense à Léopold Sédar Senghor, qui a été un grand défenseur de la francophonie. Donc c'était vraiment une intégration, quoi. Oui, Léopold Sédar Senghor représente vraiment ce courant, on va dire, modéré, loyaliste, qui avance pas à pas vers l'autonomie. C'est-à-dire l'objectif de Senghor, dès quasiment le sortir de la guerre, hein, il fait toutes ses armes intellectuelles dans les années 30, dans les universités françaises. Et puis au sortir de la guerre, il a déjà un programme qui vise l'autonomie, mais on parle pas encore d'indépendance. Et Senghor est un grand admirateur aussi de la culture française. Il faut comprendre aussi que toute une génération des Senghor, des Boigny, même des Modibo Keïta, sont des gens qui ont été formés dans des écoles, dans des universités françaises, et qui pour la plupart ressentent une assez forte admiration pour la culture française, même si par ailleurs ils peuvent être anti-impérialistes, ils peuvent être indépendantistes, mais il y a cette ambivalence, vous voyez, souvent dans cette élite. Oui, d'ailleurs, c'est la complexité du réel, quoi. Léopold Sédar Senghor a acheté une jolie maison à Verson, juste à côté de Caen, donc une petite ville dont cette maison fait la fierté. On se retrouve dans quelques minutes après avoir écouté Star Feminine Band qui nous chante la musique. Thank you. Nicolas Bancel, il y a quelque chose d'assez choquant, mais complètement choquant dans le processus de colonisation, hein, ou même de décolonisation. C'est-à-dire que la France est dans sa métropole une vraie démocratie. La 4e République ne peut pas être soupçonnée de ne pas être démocratique. Hein. Mais en revanche, du côté des colonies, c'est répression féroce, emprisonnement et information totalement contrôlée comme dans une bonne vieille dictature, sachant que la gouvernance dictature, c'est la gouvernance des lâches. Hein, c'est beaucoup plus difficile de gouverner un pays démocratiquement. Oui, c'est vrai, il y a une énorme contradiction, mais cette contradiction, elle est ancrée dès le début de la colonisation. C'était on colonise au nom des principes de républicains, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Mais en fait, cet horizon-là, il est reporté indéfiniment. C'est-à-dire que, en fait, la colonisation ne peut pas se maintenir avec ces principes-là, parce qu'il y a déjà un problème démographique. Hein, quand vous gouvernez avec quelques centaines de milliers de personnes, un empire aussi gigantesque que celui de la France, vous avez évidemment une impossibilité à octroyer des droits démocratiques. D'ailleurs, on va le voir assez rapidement. Par exemple, en 1956, lorsque est votée la loi cadre, on va donner, c'est une loi très importante, hein, on donne c'est une réforme qui donne le suffrage universel, vous avez des conseils de gouvernement qui ont un vrai rôle dans l'exécutif, des assemblées territoriales qui légifèrent effectivement, même si les aspects régaliens sont laissés à la France. Mais on voit bien qu'immédiatement, malgré toutes les manœuvres dilatoires et de corruption des votes, eh bien, les Français sont quand même marginalisés assez rapidement, hein, dans la plupart des pays. Alors c'est vrai la France va encourager des élites politiques amies avec lesquelles elle négocie depuis le milieu des années 50 pour obtenir une loyauté à terme avec ces réformes. Mais on voit aussi que ça tient aussi, comme je l'ai dit, le fait qu'on puisse installer ces élites tient aussi au fait qu'il y a une faiblesse objective des partis politiques autonomistes et indépendantistes à ce moment-là. Donc voilà, on ne peut pas gouverner démocratiquement une colonie, ça se saurait. Voilà, mais c'était quand même ce qui, au bout du compte, était contre nature. Et d'ailleurs, si le général de Gaulle a fini par lâcher et donner notamment l'indépendance à l'Algérie, est-ce que c'est parce qu'il estimait que, face à ses partenaires européens, sur la scène internationale, la France pouvait pas continuer comme ça et qu'elle était en décalage avec le vent de l'histoire? C'était ça, sa première motivation? Je crois qu'il y a plusieurs motivations. La première motivation, c'est que je pense que De Gaulle a compris en 59 ou 60 au plus tard que bon, c'était râpé, quoi. On pouvait pas continuer comme ça contre le FLN qui tenait quand même une grande partie des masses algériennes. Et puis, d'autre part, il voyait bien effectivement sur le plan international le déficit politique considérable qu'engendrait cette obstination à maintenir par la force un empire qui était sur le point de toute façon de s'émanciper. En Afrique noire, il l'a compris très tôt, puisqu'en 1960, il lâche l'affaire. Mais c'est contre sa volonté. Il aurait aimé garder l'empire. Les politiques français ont tout fait jusqu'au bout, soit par la force, soit par la négociation et la ruse, hein, comme on vient de le voir avec la loi cadre en 1956, qui voulait en fait allier ses élites dans une perspective à long terme. Bon, bah, ça dure 4 ans, et puis après, l'Empire s'effondre. Puis le troisième élément, je pense qu'il faut prendre en compte aussi, c'est le fait que l'Empire coûte cher. L'Empire coûte cher d'abord parce que ça mobilise des forces militaires considérables, et évidemment d'abord en Algérie, et c'est pas un hasard d'ailleurs si on immédiatement après la guerre d'Indochine, on se refocalise sur l'Afrique, parce que l'Indochine coûte très cher, et tous les moyens sont mis à ce moment-là sur l'Afrique, mais on peut pas ouvrir des fronts comme ça indéfiniment, parce qu'on n'en a pas les moyens, et puis d'autre part parce qu'il y a des revendications en Afrique noire, mais aussi au Maghreb avant 56, notamment des syndicats qui deviennent de plus en plus puissants, des syndicats autochtones, hein, des syndicats africains, et qui réclament l'égalité des droits, parce qu'évidemment, quand vous êtes africain, vous ne gagnez pas la même chose que vous êtes européen, contrairement d'ailleurs à la législation officielle du Code du travail. Bien sûr. Et le problème, c'est que les premières prévisions, les premières projections budgétaires qui vont être faites de manière complètement empirique, hein, ça sera systématisé seulement dans le budget français en 59. Ça, c'est les premières projections, c'est 57-58, montrent que si on accède en fait à l'ensemble de ces revendications, ça va coûter quand même beaucoup d'argent. Et donc ça c'est une raison supplémentaire, je pense, qui vient s'ajouter à ce que De Gaulle dénoncera, enfin qualifiera de fardeau colonial. Hein. Il veut bien garder les poussières de l'empire, mais le reste il faut s'en débarrasser. Ça montre aussi le pragmatisme du général De Gaulle, qui était vraiment connu pour ça, et il l'a montré à plusieurs reprises. Dernière question, il nous reste juste une minute, c'est pas très long. Quel est le regard que vous posez, vous qui avez étudié la décolonisation, sur la repentance? La repentance française, notamment, on va parler de la repentance française, des efforts de repentance, et puis du débat qu'il y a autour. La repentance, je sais pas trop ce que ça veut dire, en fait. Ça serait culpabiliser, en fait, sur notre passé. Mais vous voyez ce que j'évoque? Oui, je vois ce que j'évoque, mais je vois ce que vous évoquez, mais la repentance est utilisée comme un mot mûr, si je puis dire, qui nous empêche en fait de pénétrer dans cette histoire, de comprendre ce qui s'est vraiment passé, quel a été le rôle de la France. C'est une partie importante de notre histoire. Les colonies, l'Empire, c'est plus de 2 siècles, même 3 siècles si on remonte vraiment loin, disons 1 siècle et demi d'histoire coloniale et post-coloniale. Et je crois que l'effort d'histoire et de mémoire collectif qui doit être fait là-dessus, c'est pas de la repentance, c'est simplement de la prise de conscience du fait que cette histoire a des conséquences contemporaines. La France-Afrique, les immigrations. Alors la France-Afrique, on n'a pas eu le temps d'en parler. Je suis désolé de vous couper, Nicolas Bancel, mais c'est vraiment la fin du temps qui nous était accordé imparti. En tout cas, merci infiniment pour vos éclairages. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la décolonisation, 2e volet. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Rémi Sistiaga.